voir un peu les œuvres, les châteaux et les fées, et les grands magiciens qui vous apprennent à voler, les elfes musiciens qui vous enseignent à rêver. Les nains de la forêt frapperont le tambour, les crapauds chanteront encore au petit jour. Les nains de la forêt frapperont le tambour, les crapauds chanteront encore au petit jour. Serpents y dansent au son des flûtes en tutu. Les sages et les fous soupirent après l'amour. Les chats et les hiboux répondent tour à tour. Les sages et les fous soupirent après l'amour. Les chats et les hiboux répondent tour à tour. Là-bas coule la source des grands enchantements. Là-bas la clé des songes est aussi la clé des chants. Les démons guettent le voyageur imprudent qui part en oubliant d'emporter son cœur d'enfant. Le loup le mangera avant d'être arrivé au pays des lutins, des elfes et des...